questions à la fin. Donc, Laurence. Enfin, je ne sais pas, comme il est 25, peut-être vous voulez qu'on débatte. Moi, je ne tiens pas absolument à parler, comme ça vous me réinviterez. Non, mais c'est-à-dire que moi, j'avais axé ce dont je pensais parler sur la formation à la recherche de manière spécifique et pas... je dis deux mots, je laisse du temps, je rapproche. Peut-être, je pensais que vos élèves ne sont pas hyper savants, mais hyper sachants. Plutôt, ça ressemble plutôt à quelque chose comme ça, si on garde au terme de savant un sens un peu plein, et je pense que c'est ce qui est en jeu. Mais je pourrais commencer par ce que la dernière circulaire de cadrage en décembre à propos de la mastérisation dit de la place de la recherche dans la formation des futurs enseignants. Explique qu'on pourra s'intéresser à la production, je cite, d'une recherche sous forme d'une soutenance d'un mémoire, par exemple, et que cette production peut intervenir indifféremment au terme du deuxième, du troisième ou du quatrième semestre, entre parenthèses, en fonction du calendrier du concours, des possibilités d'organisation de l'établissement et des choix des étudiants. Quant aux périodes séparant les épreuves d'admissibilité des résultats, elles pourront être mises à profit pour compléter la formation aux méthodologies de la recherche, favoriser l'ouverture internationale, etc. Vous apprécierez le « etc. » Donc voilà, c'est une citation simple. Hein. Vous voyez que la formation à la production d'une recherche, c'est la soutenance d'un mémoire. Le raccourci est significatif. Peut-être, disons que je pensais à ça en préparant cette séance, sur le fait que la question de la recherche dans les réformes en général, dans la mastérisation en particulier, a une place à la fois centrale dans les discours et extraordinairement faible du point de vue du contenu et de l'intérêt qu'on porte à la notion même de recherche qui n'est strictement jamais définie. Hein. C'est très très frappant, les rapports d'expertise, les différents, jamais n'explicite ce que l'on entend par recherche. Jamais n'est donnée ni une définition, ni une tentative de définition de la recherche, ou ne serait-ce qu'une description des formes actuelles de la recherche dans sa pluralité, dans l'enseignement supérieur, la recherche et les différents établissements d'enseignement. Et je trouve que cette absence de réflexion est significative du fait qu'il ne s'agit pas du tout de savoir comment on forme à la recherche, qu'il ne s'agit absolument pas de construire de la recherche. Il ne s'agit absolument pas, avec la mastérisation et le dernier rapport du Conseil pour le développement des humanités et sciences sociales en est une preuve éclatante, il ne s'agit pas de former les enseignants, mais il s'agit de les rendre adaptables. On ne s'intéresse pas aux formations, on s'intéresse à l'employabilité, on ne s'intéresse pas à comment on apprend quelque chose et qu'est-ce que c'est qu'un savoir, ça vous l'avez dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire, ou pour résumer, hein, cette opposition que vous avez soulignée entre connaissances et compétences, qui est flagrante dans ce rapport d'étape qui est sorti il y a quelque temps, et il croire, de ce point de vue, que quelque chose comme la professionnalisation serait en jeu dans, disons, la critique des disciplines qui apparaît dans la mastérisation, que quelque chose comme la professionnalisation, j'y reviens, est en jeu, c'est, du point de vue ministériel, de la mauvaise foi politique, c'est l'ignorance intellectuelle sur le rapport entre connaissance et transmission. Et du point de vue des enseignants-chercheurs qui ont un peu trop tendance, à mon avis, à adopter et le vocabulaire et une sorte de mauvaise conscience à l'égard de ce qui les a formés, c'est entrer beaucoup trop vite dans une pseudo-logique. Je crois qu'il ne s'agit absolument pas, dans les faits, de professionnalisation. Mais strictement, il faut le rappeler avec la dernière fermeté, d'employabilité. Regardez tous les rapports. On ne s'occupe en rien de savoir comment former les enseignants. Alors, je dois dire que du côté de l'opposition aux réformes, ça n'est pas non plus, je trouve, très avancé, la réflexion sur la recherche. L'année dernière, le refus du statut d'enseignant-chercheur, le refus de la modulation, hein, de ce décret statutaire, s'est fait notamment, je ne sais pas si vous vous en souvenez, au nom de l'articulation nécessaire entre enseignement et recherche. Mais cette articulation, elle ne va pas de soi. Je crois qu'il y a une très grande différence, notamment entre sciences dures et SHS. En sciences dures, on demande très tôt de choisir entre enseignement et recherche. Alors que pour nous, le lien semble beaucoup plus important à conduire tout au long de la formation. Deuxième point, l'opposition dans l'ensemble des réformes, parce que je me plaçais d'un point de vue un peu plus général que celui de la formation des enseignants. Si on revient sur la formation des enseignants et l'opposition, ce qui m'a frappé tout au long de la mobilisation, c'est que l'opposition à la mastérisation s'est faite, alors du côté des IUFM, du côté de la survie nécessaire des IUFM, et il n'est pas vrai que tout le monde se fiche de la disparition des IUFM, c'est injuste pour ceux qui se sont battus avec les, enfin, pour qu'il y ait, là, pour qu'on affirme la nécessité de former les enseignants, hein, mais du côté des UFR, elle s'est faite du côté de la défense de la recherche à l'université. Parce que, en gros, hein, la création de masters d'enseignement, qui est en fait la traduction de masterisation de la formation des enseignants, implique, vous savez, une validation réciproque du master par le concours, du concours par le master. Et puis, ça nécessite d'intégrer dans ce qui était la propriété de l'enseignement supérieur, quelque chose qui jusqu'alors était figuré quand même plus à côté que vous ne l'avez dit, me semble-t-il, qui est la formation à l'enseignement. Et on a beaucoup dit que cette mastérisation des concours, ou on pourrait dire ce lien aussi des concours nécessairement au master, on a beaucoup dit qu'il détruisait les formations à la recherche à l'université, puisque en créant des masters enseignement, on vidait nécessairement de leur contenu les masters recherche. Alors, on allait vider de leur public ces masters recherche. Ceci étant, il faut le rappeler pour les disciplines qui nous intéressent, ceci étant constitué pour beaucoup d'étudiants qui se destinent à l'enseignement. Hein, parce que c'est ça la réalité. Moi j'enseigne les lettres, hein, la littérature française du XVIIe siècle. Je crois que c'est vrai aussi en histoire. Les masters recherche ne sont pas pleins jusqu'à aujourd'hui d'étudiants qui ont envie de devenir chercheurs pur sucre. Ce sont les futurs enseignants pour l'essentiel. Et donc il y a cette équivocité de départ dans la défense des masters recherche, qui est la défense aussi des étudiants se destinant à l'enseignement. Et pour ma part, je pense quand même qu'il faut le dire, j'ai regretté toute l'année dernière, et je continue de le regretter, que la défense de la recherche à l'université et de l'articulation entre enseignement et recherche ne passe que par le refus de la mastérisation, sans que jamais soit posée la question de ce qu'il en est de la recherche, de l'intégration de la recherche au cours que l'on donne également en licence et pas seulement en master, dans l'ensemble, disons, de la configuration d'un parcours d'étudiant à l'université. Hein, pourquoi je regrette ça ? Mais parce que il me semble qu'on a, d'abord parce que sur l'ensemble des étudiants qui arrivent en première année, j'ai un peu comparé des chiffres avec des collègues de lettres de souvent l'université. Bon, on était à peu près, c'était assez curieux pour des universités de grosseurs différentes, sur une centaine actuellement, une centaine d'étudiants inscrits en première année. Bon, outre ceux qui vont sortir du circuit universitaire, il n'y a pas 100, il n'y a pas 50, il n'y en a pas 30, il n'y en a pas 20 inscrits dans les concours. Il va y avoir à la fin, en agrégation, une dizaine d'inscrits. Mais dans ces inscrits, il faut prendre en compte le fait que beaucoup vont venir des classes préparatoires, donc réintègrent l'université en cours de cursus, généralement en troisième année, ou voire en quatrième année. Il va y avoir actuellement une trentaine de préparations CAPES. Et alors, pour les chiffres des professeurs des écoles, ben, je n'ai pas réussi à les obtenir ni pour Aix, ni pour Dijon, ni pour Grenoble. Donc, je ne sais pas exactement. Mais ce qui est certain, c'est que si l'enseignement est une voie, simple pour les étudiants s'inscrivant dans les disciplines de sciences humaines et sociales, sciences humaines essentiellement à l'université, ça n'est pas la seule finalité. Or, le seul point où on défend la recherche, où on l'a défendue dans cette mobilisation, c'était autour de ces masters recherche, dont il faut quand même dire aussi qu'ils ont été un lieu réservé, instauré par les rangs A dans les universités, qu'ils ont proliféré, et qu'il y a aussi une dimension, disons, interne de structuration interne des corps à l'intérieur de l'université autour de cette bataille pour les masters recherche. Voilà. Alors, ben, comme Je suis moi-même longue. Je dirais que le... Bon, je ne vais pas revenir sur la question disciplinaire, qui me semble en même temps la notion... Parce que pendant tout un moment de la mobilisation, l'opposition à la mastérisation a pris la forme, disons, d'un conflit entre savoir disciplinaire ou formation pédagogique dans ce qui serait nécessaire pour la formation des futurs enseignants. Moi, il me semble que se situer... De mon point de vue d'universitaire, c'est nécessairement se situer du côté des savoirs disciplinaires, de qu'est-ce que c'est que constituer un savoir disciplinaire, notamment en lettres, hein, qui est une discipline qui est particulièrement instable point de vue de sa définition. C'est notamment pour ça qu'elle va souvent vers les historiens, d'ailleurs, parce qu'ils lui donnent ils entrent dans le fantasme d'une stabilité des savoirs et d'un cadrage historique fort. Non, de mon point de vue, donc, une formation disciplinaire, c'est nécessairement là que s'inscrit, disons, ma propre pratique de la recherche en tant qu'enseignant-chercheur, et c'est là que s'inscrit pour les étudiants, qu'ils deviennent enseignants ou pas, d'ailleurs, une sorte de visibilité, d'apprentissage d'un certain nombre de choses qui ont à voir avec la recherche. De ce point de vue-là, il faut dire que le point sensible, il y a deux points sensibles. Il y a le moment des concours. Et puis, il y a la première année. Je commence par la première année. Bon, ce qui frappe tous les enseignants de première année à l'université, c'est que... Bon, mais on sait que très peu d'entre eux sont là à la suite d'un choix. Hein, c'est quand même le problème principal de l'inscription en première année, ils n'ont aucune connaissance de leur discipline. Et un sentiment très approximatif, parce que nécessairement calqué sur l'enseignement des matières, hein, on parle dans le secondaire, ils ne savent pas que les savoirs sont objets de découpage, de classement, sans même parler du fait qu'il y a une histoire de ces découpages. Il me semble que d'ailleurs, dans ce que vous avez dit, il y a une différence entre découper des savoirs, enfin proposer à des élèves, disons, une organisation de connaissances pour qu'ils acquièrent, et leur montrer le caractère construit historiquement des savoirs. C'est deux niveaux différents, et je ne pense pas que, de mon expérience, j'ai aussi enseigné dans le secondaire pendant 7 ans, et même en première année, disons jusqu'en troisième année, il est extrêmement difficile de faire comprendre ce point sur lequel vous avez tous insisté, hein, le fait que les savoirs sont construits, que une discipline, c'est un mode de découpage, de classement, qui a une histoire et qui, pour cela... ne peut pas constituer une vérité naturelle, hein, ça va de soi. Alors, les étudiants de première année, ils ne sont pas là dans l'apprentissage d'une discipline. Et même quand s'ils ont vraiment choisi, ils sont là parce qu'ils seraient, hein, vous savez comment on enseigne les lettres, hein, parce qu'ils sont littéraires très souvent. Il y a une très grande gêne à manipuler un lexique, à avoir une certaine technicité dans le travail des textes. Et moi, tout simplement, hein, ce que je fais très souvent, j'ai plus de deuxième et troisième année que de première année, mais j'insiste beaucoup sur le fait qu'ils ne doivent pas avoir peur d'être un peu jargonnant, enfin, il y a peu de risques qu'ils le soient de toute façon, mais que, voilà, ce qu'ils ont à apprendre, c'est une langue propre. Et par exemple, j'insiste, mais même sur des choses assez basiques, du type s'acheter des livres, ce qui est compliqué de demander à des étudiants de s'acheter des livres quand on leur demande d'avoir un ensemble de lectures, quand on sait que certains travaillent pour se payer les études, bon, enfin, toutes choses que vous savez très bien. Bon, ben, moi, j'insiste toujours sur le fait qu'il faut se prendre... Mais j'insiste dans les termes avec les mots que j'utilise là, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voie détournée pour dire ça. Je leur explique que voilà, ils doivent avoir s'approprier la chose, cette science des textes, qu'ils ne doivent pas avoir peur d'un lexique un peu jargonnant et éventuellement technique, disons, et que c'est par là qu'ils vont entrer dans une connaissance et dans une certaine maîtrise, alors bon, le terme est complexe, des savoirs. En première année, c'est vraiment très difficile et les enquêtes qui sont faites actuellement montrent que, par exemple, à Dijon, il y a des enseignants qui ont profité du plan licence pour demander aux étudiants quels étaient leurs désirs, comment ils voyaient la suite. Il n'y a pas de demande autour du disciplinaire. La première année, c'est vraiment un problème. Ça, il faut bien le dire. Et je ne crois pas que plonger les étudiants dans un bain d'acide disciplinaire, que ce soit les lettres, l'histoire ou alors peut-être la philo, c'est différent, mais ils ont des chiffres dérisoires en philo. Il faut quand même voir. En première année, on peut trouver un nombre d'inscrits à 10. Donc, vous voyez, les questions sont autres. Je ne pense pas, en tout cas, que cette plongée dans le disciplinaire soit une solution. Le rapport, toujours le fameux rapport d'étape du Conseil pour le développement des humanités et sciences sociales, ce ne sont même pas les sciences humaines, ce sont les humanités, parle d'une année de propédeutique. Bon, il faut savoir ce qu'on entend. Évidemment, on ne peut que se... La question a été posée à Dijon, puisqu'on va faire un nouveau cadrage des enseignements. Moi, je suis hyper méfiante. C'est très clair que l'année de propédeutique est le mot, disons, sexy pour présenter une dilution des formations jusqu'à qui est affirmée partout. A priori, on ne peut être que d'accord. Simplement, le modèle propédeutique, c'est un tout autre modèle que celui que rend possible la situation actuelle avec les étudiants arrivant en première année. Donc, moi, je serais dans la défense, disons, d'une construction disciplinaire, d'une formation disciplinaire très forte dans la licence progressive. Je crois qu'effectivement... mettre les étudiants de première année qui ne savent même pas s'ils veulent être là, qui souvent, ça ne marche pas. Alors, bon, évidemment, on a tendance à chercher des solutions du côté d'une interdisciplinarité ou d'une pluridisciplinarité, enfin, des assez embrouillées. Je veux dire qu'il n'y ait pas une réflexion sur les disciplines. L'autre point, il faudrait peut-être que je m'arrête, c'est les concours. Mon expérience en deux mots, puisque je fais le cours d'agrégation depuis plus de 10 ans, sur le XVIIe siècle, moi je dirais qu'il n'y a pas de formation à la recherche dans les années de concours, mais il y a une intégration, c'est le moment le plus fort où les étudiants ont accès aux acquis de la recherche dans leur discipline. En lettres, c'est très net. Pourquoi ? Parce qu'il y a un programme, alors qu'il n'y a pas de programme au CAPES de littérature. Ce sont des questions très, très larges. Ils peuvent être interrogés sur le roman. Donc, il n'y a pas de cadrage, en quelque sorte. Alors que l'agrégation, qui est un concours, pour le coup, difficile, fonctionne sur un programme. Deux questions en comparé avec des œuvres et un auteur par siècle. Bon, vous voyez, c'est quand même de l'enseignement des auteurs, des grands auteurs. Simplement, on peut observer... qu'une sorte de la façon dont les travaux dans la recherche innervent ces programmes. Je vous donne un seul exemple parce qu'il touche à ce que je connais. Je travaille sur le libertinage. Dans les 5 dernières années, il y a eu 3 auteurs dits libertins ou qui posent la question d'une définition du libertinage à l'agrégation de lettres modernes. Donc Théophile de Viau, Charles Sorel et Cyrano de Bergerac. Bon, ce n'est pas grand-chose. Ça, c'est un autre XVIIe siècle que Corneille, Racine, etc., que le classicisme. Et je pense que ça peut très clairement être lu. Alors, peut-être que ce n'est pas si désirable que ça, c'est comme modification. Mais ça, me semble-t-il, produit une autre image, une autre représentation de la période. C'est l'accès à d'autres dimensions du discours sur l'âge classique. Enfin, moi, j'ai fait des cours autour de la question de la dissimulation écrite, enfin, voilà, pour parler des travaux de Cavalier qui enseigne ici. Donc, voilà, ce n'est pas une formation à la recherche, puisque la transmission du savoir est entièrement... orienté vers la capacité à faire des exercices très formatés, vous le savez, des dissertations, etc. Mais c'est un moment où, dans mon expérience en tout cas, je crois que c'est l'année où les étudiants de lettres se ressaisissent le mieux, souvent, sans doute plus que l'année de master, quand ils font un master, hein, toujours jusqu'à présent, se saisissent le mieux de leur discipline en tant que construction de savoir. Alors, voilà, moi, je ne me place pas dans la défense des concours du point de vue disciplinaire, mais surtout du point de vue structurel. Les concours, c'est la question des postes, hein, essentiellement. C'est ça qui me semble décisif. Mais il se trouve que quand même pour la grecque, en lettres, je crois que c'est assez différent en histoire, par exemple, ça n'est pas rien du point de vue de la formation. J'ai des collègues, souvent à l'université, qui diraient des choses différentes, je crois. Bon, je m'arrête, bon. J'ai été aussi longue que des éclairages assez différents et complémentaires sur une extrêmement vaste question. Donc il nous reste quand même un peu de temps pour des questions. J'avais juste une observation sur la recherche à l'université. Il y a un endroit, quelque chose que je trouve très significatif. Nous sommes enseignants-chercheurs. Jamais nos étudiants ne nous voient en train de construire la recherche alors que nous faisons des colloques, etc. Je pense que ça, c'est une chose assez élémentaire. On va me répondre qu'on ne va pas assister. Les étudiants ne vont pas d'eux-mêmes assister aux colloques. Moi, j'ai organisé un ou deux colloques. J'ai proposé à mes étudiants de deuxième année, c'était colloque technique quand même, l'exemplarité, de venir. Ils feraient un compte-rendu d'une communication, de leur choix. En fait, il y a une façon de leur montrer ce que nous faisons. C'est quand même un aspect de... Mais je dois dire que c'est cette partie quand même à laquelle les universitaires tiennent énormément, ils la communiquent rarement. Ils la montrent tout simplement rarement. Enfin, non, peut-être que c'est le cas. À Dijon, c'est certain. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute.